Abordons maintenant un autre aspect de cette connaissance historique, une autre particularité, c'est la question de la manière de relier les faits entre eux. Qu'on a vu, l'analyse historique doit permettre d'établir les faits sur lesquels il est nécessaire de s'accorder, voilà, tel événement a eu lieu à telle date. Et ensuite, il s'agit de relier les faits entre eux, de montrer quelles sont les relations entre les faits qui peuvent nous les expliquer. L'histoire, elle doit avoir en effet une dimension explicative. Alors expliquer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est établir des chaînes causales entre des événements. C'est A est la cause de B, B est l'effet de A. Voilà, il y a bien une relation entre les deux. Si A n'avait pas eu lieu, alors B n'aurait pas eu lieu. C'est ça une chaîne causale. Bon, la difficulté étant qu'il n'y a jamais une seule cause contribuant à devenir un événement. Ce dernier, c'est toujours le résultat d'un enchaînement très complexe. Et donc, très souvent, vous avez plusieurs causes pour un phénomène. Prenons la Révolution française. Certains vont dire, bah, le déclenchement de la Révolution française, c'est parce que Louis XVI convoque les États généraux. Ah oui, d'accord. Mais pourquoi convoque-t-il les États généraux? Bah, c'est parce qu'il y a une crise fiscale. Mais il y a cette crise fiscale, pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, il y a tout un tas de problèmes qui se sont accumulés. C'est-à-dire que l'État français s'est beaucoup accumulé avec des guerres contre l'Angleterre. La noblesse bloque pour payer des impôts. Il y a eu en plus des problèmes agricoles. Donc on a tout un enchaînement de causes très complexes qui font advenir un événement. Il n'est pas possible de dire c'est ça la cause. C'est plutôt un enchevêtrement. Bon. Également, l'histoire en tant que science humaine, en plus de cette dimension explicative, elle doit aussi avoir une dimension compréhensive. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, comprendre, c'est quoi? C'est appréhender le sens qu'a une action pour celui qui l'accomplit. L'histoire doit dès lors s'efforcer de rendre compte des valeurs, des croyances, des acteurs, des événements pour les comprendre. Hein, les êtres humains ne sont pas des choses passives, ce n'est pas comme des particules qui se percutent les unes les autres pour produire un phénomène. Ben, ce sont aussi des êtres qui sont conscients de ce qu'ils font. Et bon, quand on s'intéresse à l'expérience humaine, il faut s'intéresser aussi à cet aspect-là, à la valeur d'une action. L'expérience humaine, c'est un petit peu aussi, ça fait appel à la liberté, hein, c'est-à-dire prise de décision des acteurs. Ça, c'est un point par lequel, bon, c'est pas une historienne, c'est vraiment une philosophe, mais ce qu'on avait vu avec Hannah Arendt, qui nous disait que les êtres humains, ils avaient aussi la faculté, un petit peu, d'initier quelque chose de nouveau dans l'histoire, de rompre avec des enchaînements passés. Ou bien de poursuivre au contraire des actions entamées dans le passé. Et donc l'historien il s'intéresse à ça. Hein, il est dans l'étude du domaine de l'action contingente et non de la loi nécessaire. Donc pour comprendre l'action, l'historien il ne doit pas chercher à faire comme s'il était complètement indifférent vis-à-vis de cela, comme s'il pouvait s'arracher à cette dynamique de l'histoire. Donc c'est là tout le problème un petit peu de l'objectivité. Parce qu'en fait, l'historien, quand il interprète ces faits, quand il cherche à les relier entre eux et quand il cherche à comprendre le sens qu'ils avaient pour les acteurs, ben, il le fait en fonction d'un certain cadre interprétatif. Ce cadre interprétatif, c'est une certaine manière de lire l'histoire qui va influencer son travail et donc qui va faire qu'il va peut-être faire ressortir certains éléments qui vont lui paraître plus saillants que d'autres. Certaines relations, certains faits, certaines explications vont apparaître, voilà, plus importantes que d'autres pour lui que pour un autre historien. Pourtant, il doit bien faire preuve d'impartialité, c'est-à-dire prendre en compte autant que possible les différents points de vue, tenter de se mettre à la place des acteurs, voilà, d'une certaine façon. Bon, Max Weber nous dit que, à ce titre, bon, l'objectivité, ça constitue ce qu'il appelle l'horizon régulateur des sciences de la culture. C'est-à-dire l'horizon régulateur, c'est un idéal à suivre. Et le savant doit autant que possible se détacher des événements. Mais en même temps, parce qu'on parle de faits humains et qu'on est soi-même un humain impliqué dans le phénomène qu'on étudie, bah il est toujours nécessaire que le savant, donc là en l'occurrence l'historien, mais ce serait applicable aux autres sciences sociales, du fait de son implication dans son objet, il faut qu'il assume un petit peu cette position. Et donc, ça rend un petit peu difficile d'atteindre cette objectivité. Hein. C'est bien un idéal, nous dit Weber, mais un idéal hein, qui a peut-être quelque chose encore plus difficile à atteindre que dans le domaine des sciences de la nature, qui portent sur des objets qui sont sans doute beaucoup plus neutre au regard des valeurs.